guide sans garde. C'est comme pour tous les ghettos, les gars reçoivent les mêmes peines rouges avec les mêmes caisses dans les mêmes. Je te parle de mon ghetto français, retranché dans des îles dangereusement ambiancées, déclenchées. Bambou, l'arabe, les immigrés, les babs, des fois plus africains que les africains. En guerre froide contre les condés, défoncés pour certaines équipes. Esprit animal, discret, bien organisé. Chaque checker a sa touche de criminalité. La galère est une banalité, comme de tuer un pack de haches. Une bouteille de Dillon, de Chivas, pilon dans la chute, cette armée contre la galère. Une cage, un squash, j'interterre, déterre. Soldats du 7513, les mêmes gangsters, amateurs de Genjin. De l'autre côté, l'État ne veut pas nous laisser émerger. Garçons, de peur de se faire baffer. Lève le poing pour ceux qui baissent pas leur froc. Pour les quartiers populaires, il est temps de percer. Comme les perceurs de coffre, tout bousillé. Rentrer au bled, les poches pleines. De France FA, j'ai pas oublié d'où je viens. Galsen, ma life, si Dieu le veut, je terminerai mes jours là-bas. À l'aise, négro, hit soldat. C'est comme pour tous les ghettos de France. Les gars reçoivent les mêmes peines, roulent avec les mêmes caisses, finissent dans les mêmes chiennes. Spécialiste en tout ce qui n'est pas permis. Trop de galère, les mecs sont béton pour les conneries. C'est comme pour tous les ghettos de France. Les gars reçoivent les mêmes peines, roulent avec les mêmes caisses, finissent dans les mêmes chiennes. Trop spécialiste dans tout ce qui n'est pas permis. Galère les mecs sous béton pour des conneries. Qui n'a pas vécu des arrestations, puisque musclé les 70 centilitres vidés, embusqués devant ton domicile sur un parking avec un briquet. Et frites complotent sur ton homicide. Entouré de serpents, de chiennes et de chaînes, comme un missile, on fonce tout droit, plus rien ne nous gêne. Car on sera plus jamais les mêmes. Cette pute qui nous accompagne n'a pas été payée pour rechiner, enfin tout de même. Oui, on roule pour la mif, mais les liqueurs de nuit nous poussent à prendre quelques risques. On aime les ambiances huis clos, restreint de quoi tu es sous le veston. N'hésite pas ou tu resteras. Reste humble ou tu risquerais de voir passer un string de l'autre côté du stick. Les vrais sont vignettes, à bonne nouvelle. Court séjour, longue peine, les boucs sont obés d'ici du sud à Bruxelles. Et tous les ghettos de France, les gars reçoivent les mêmes peines, roulent avec les mêmes caisses, finissent dans les mêmes chiennes. Spécialiste en tout ce qui n'est pas permis. Trop de galère, les mecs sont béton pour les conneries. C'est comme pour tous les ghettos de France, les gars reçoivent les mêmes peines, roulent avec les mêmes caisses, finissent dans les mêmes chiennes. On spécialise dans tout ce qui n'est pas permis. Galère les mecs sous béton pour des conneries.